Il va falloir qu'on se serre la ceinture si on veut éviter la fracture sociale et se couper du reste du monde total. Quand on sait ce qu'englobe le monde, on ne pourra plus dépenser tout le pognon qu'on n'a pas, mais qu'on dépensait quand même. Tout ça pour éviter de se retrouver coupé, largué, dépassé, coupé des gens friqués. Maintenant, on est beaucoup plus pauvre que la moyenne, et ça, ça s'arrose pas avec une piquette qui nous ferait gerber. Je vais faire un emprunt et on va s'éclater. Je le rembourserai quand j'en aurai le temps, surtout quand j'en aurai les moyens. Les moyens de quoi, je ne sais pas, et c'est chiant. Il me faut un boulot à 20 000 balles au moins. Et encore, ça ne sera pas suffisant. Faudra que j'aille pleurer chez mes parents pour qu'ils veuillent bien m'avancer quelques francs. Ah non, c'est vrai, on dit euros maintenant. C'est pas pareil, il y a là-dedans une histoire de conversion. Enfin, je devrais dire une histoire de pognon, car on nous promet monts et merveilles. Mais ces monts seront des abîmes. Pour moi, en tout cas, ça sera le bordel. Je vais vouloir tout acheter en voyant les prix, et je me ferai entuber, c'est classique, c'est écrit. Je recevrai alors des lettres de relance, dont le charabia est institutionnel. Je ne comprendrai rien, et puis tant pis, je chercherai le bon angle, les parasites et mes envies.